Y'a que toi qui en étais capable, capable d'entrer pas sortir de ma life. Ouais, ma life. Moi j'ai tout misé sur toi. Oh, j'ai le jackpot et rien n'a changé entre nous. Non, non, non, c'est comme à l'époque. I'm ready. Toi et moi c'est clean, toi et moi c'est la folie. J't'aime autant que ta carte de crédit. Je taquine avec toi, j'vivrai heureuse même sans sac Fendi. Fendi, baby. Keeper, baby, dis-moi keeper. Nous séparer, équipe. J'm'embrouillerai pas pour si peu. Baby, ça fait des années. T'es toujours le même, rien n'a changé. À toi, j'suis collé. Les beaux jours comme les mauvais. Personne va nous séparer. Ensemble on a grandi, touché le sommet, c'est ce qu'on visait. Donne-moi la main, on y va direct. On en a vu toutes les couleurs. On a connu la joie, la peine et les douleurs. Tu sais très bien que je veux que ton bonheur. Je te fais danser avec moi, y'aura pas d'heure. Welcome to the party. Dans ta vie le meilleur je vais apporter. Parfois sous le coup de la colère je vais m'emporter. Malgré ça sur moi tu pourras compter. Faut pas douter, je serai là pour t'épauler. T'es dans ma tête du lever au coucher. T'inquiète pas non je vais pas bouger. T'inquiète pas non je vais pas bouger. Baby ça fait des années. T'es toujours le même, rien à changer. À toi je suis collé. Les beaux jours comme les mauvais.